Section 51, deuxième partie, chapitre 20. La nuit fut affreuse pour Charlotte. L'heure de la résolution suprême avait sonné. Elle tenait la vie de son mari entre ses mains. En ces derniers temps, elle avait, dans ses nuits sans sommeil, longuement agité la question de savoir quel parti prendre. Mais alors, elle n'était point sous le coup d'une résolution immédiate. Le lendemain, peut-être, lui apporterait un secours inespéré, et elle avait pu ne pas se prononcer. Maintenant plus de lendemain, maintenant plus de miracle à attendre. La question se posait, impérieuse, pressante, et il fallait la résoudre dans le sens de la maison de santé ou dans le sens contraire. De nouveau, elle agita, dans son esprit enfiévré, les raisons du pour et du contre, toutes pour elle aussi fortes d'un côté que de l'autre, et le lendemain arriva sans qu'elle eût osé arrêter sa détermination. Emmanuel, au contraire, dormait avec tranquillité, et quand il entra le matin dans la chambre de sa femme, il était souriant. « La pensée d'aller passer une journée à la campagne m'a donné une bonne nuit, » dit-il en l'embrassant. « Le ciel est avec nous. Vois, pas un nuage. » Le ciel, avec eux, était-ce possible? Elle était dans un de ces moments où l'on admet les présages. S'il avait plu, c'eût été un motif pour ne pas quitter Paris. Mais non, il faisait beau. Il fallait donc aller à Vélizy. Le ciel le voulait. Emmanuel s'habilla gaiement, et ce fut gaiement aussi qu'il déjeuna. « Sommes-nous étourdis, dit-il, nous n'avons pas pensé à inviter le bonhomme Portail à déjeuner. Ne me laisse donc pas faire de ces maladresses. Nous l'inviterons à dîner ce soir. » Ce soir, chaque mot venait ainsi raviver son angoisse. « Comme tu es sombre, dit-il en la regardant, es-tu souffrante ce matin? Si tu es mal à ton aise, il ne faut pas sortir aujourd'hui. Nous irons à Vélizy un autre jour. Demain nous appartient. Veux-tu que j'envoie prévenir, monsieur Portail? » Elle regarda la pendule qui marquait 11h30. « On ne le trouverait pas chez lui. Il est en route déjà pour venir ici. »« Alors nous le prierons d'aller sans nous à Vélizy. Ce sera pour un autre jour. »« Non, je ne suis pas souffrante, je t'assure, » dit-elle après un moment d'hésitation. Il s'était levé et il lui avait pris la main. « Bien vrai ? » demanda-t-il avec une tendre inquiétude. « Bien vrai. » Alors chasse cette tristesse qui assombrit ton regard. Que deviendrais-je si tu t'abandonnais? Je comprends que tu n'aies que trop de raisons pour t'attrister, mais reste forte encore. Il me semble que cela va aller mieux. Encore du courage. » Monsieur Portail était l'exactitude même. Comme midi sonnait, il arriva. Charlotte, sans trop raisonner, s'était dit qu'il ne viendrait peut-être pas. Il aurait réfléchi, ou bien un accident. On partit pour le chemin de fer. En montant en wagon, Charlotte n'avait qu'une idée. Si le train déraillait, s'ils étaient tués tous deux, on devait aller jusqu'à Versailles, et là on prendrait une voiture pour Vélizy. Mais en route, Emmanuel demanda que cet itinéraire fût changé et qu'on descendît à Chaville. De Chaville, on irait à pied à Vélizy, à travers les bois. Cela devait être possible. Monsieur Portail, qui avait souvent herborisé dans ces bois, assura que rien n'était plus facile et qu'il connaissait les chemins aussi bien qu'un homme du pays. Il faisait une belle journée de printemps. Le ciel était pur, l'air était tiède, les oiseaux chantaient, et sous bois on respirait une odeur de sève. « Vraiment, dit Emmanuel, vous avez eu une heureuse inspiration, mon cher monsieur Portail. Comme il fait beau, comme il fait bon, comme on est heureux de vivre, il me semble que je vis d'une vie nouvelle. » Il prit la main de sa femme, et lui serrant le bras sous le sien, il continua. « Vous n'avez jamais imaginé, n'est-ce pas, qu'il y aurait un autre amour que celui de la science ?»« Je n'ai pas d'imagination, » dit gravement le savant, « et je ne suis pas un rêveur. » Emmanuel ne continua pas l'entretien, mais il pressa tendrement le bras de Charlotte. Il ralentit bientôt le pas et laissa M. Portail prendre une certaine avance. « Devines-tu pourquoi je reste en arrière ? » dit-il. « C'est que le chemin va bientôt faire un coude. Tu vois là-bas ? Alors, pendant que M. Portail continuera, je pourrai t'embrasser. Oh, ma chère femme, comme je t'aime et comme je suis heureux près de toi !» À ces paroles de tendresse, elle ne put répondre que par une étreinte. Elle était éperdue, anéantie. Il lui semblait que si elle parlait, elle ne pourrait s'empêcher de crier la vérité. Ils marchèrent assez longtemps, ainsi serrés l'un contre l'autre, Emmanuel parlant doucement, tendrement, Charlotte ne disant rien. Puis ils rejoignirent M. Portail, qui s'était assis sur le bord du chemin pour les attendre. « Nous voici arrivés, » dit-il. Charlotte tressaillit, et brusquement elle abandonna le bras de son mari pour ne pas se trahir par le tremblement qui l'agitait. « Arrivez où ?» demanda Emmanuel. « Où nous allons ? La maison est au tournant de ce chemin, là, dans ces arbres. »« Et où allons-nous ? » continua Emmanuel. « Vous nous avez parlé de dessins et de photographies, mais vous ne nous avez rien dit du propriétaire. Il est bon de savoir chez qui l'on va, pour ne pas faire de sottises. » « Un médecin de mes amis, qui dirige un établissement. »« Un établissement ?» interrompit vivement Emmanuel, avec un soubresaut. « Un établissement d'hydrothérapie, » continua M. Portail, après un court moment d'hésitation. « Un établissement d'hydrothérapie au milieu de ces bois, cela est bizarre. »« Mais non, nous ne sommes plus au milieu des bois. Nous allons déboucher sur la route de Versailles à Choisy. Il se trouvait là un château avec des dépendances considérables. » Le tout construit au temps de Louis XIV. On a approprié ce château aux besoins de l'hydrothérapie et on en a fait un établissement magnifique. « Donne-moi le bras, » dit Emmanuel en se tournant vers sa femme. Elle espéra qu'il avait des soupçons et qu'il allait refuser d'entrer dans cet établissement. Mais il suivit M. Portail sans rien dire et bientôt ils arrivèrent devant un amas de constructions que dominait un lourd château. M. Portail donna sa carte au domestique qu'il a reçu et on les fit entrer dans un salon d'attente. Charlotte était défaillante. « Tu vois que tu étais souffrante ce matin, » dit Emmanuel, remarquant sa pâleur. « Nous aurions dû rester à Paris. Cette course à pied t'a fatiguée. »« Non, ce n'est rien, » dit-elle, en s'efforçant de réagir contre l'anéantissement qui la paralysait. M. Portail, de son côté, était en proie à une agitation fébrile. Il marchait de long en large dans le salon, sans pouvoir rester en place. « Eh bien, qu'avez-vous donc ?» demanda Emmanuel. « Êtes-vous tous deux malades ?» À ce moment, le domestique, qui avait pris la carte de M. Portail, rentra et dit à celui-ci quelques mots à voix basse. M. Portail parut se défendre, mais bientôt il céda. Alors il s'approcha de Charlotte. « Voulez-vous me confier votre mari pour un moment ? » dit-il. « Mais, et pourquoi donc ?» demanda Emmanuel. « Un mot à vous dire en particulier. » Pendant que ces paroles s'échangeaient rapidement, le domestique avait ouvert une porte donnant sur un vestibule sombre. M. Portail prit le bras d'Emmanuel et se dirigea vers la porte. Charlotte se leva instinctivement. Un coup d'œil de M. Portail la retint devant son fauteuil sur lequel elle retomba. Le vestibule dans lequel M. Portail et Emmanuel étaient entrés était long de 8 ou 10 mètres. Au bout était une porte que le domestique qui les précédait ouvrit. Ils se trouvèrent dans un vaste cabinet de travail. Devant un bureau était assis un homme à cheveux gris qui écrivait. Il se leva et se tint debout. « Monsieur le docteur Bergeresse, » dit M. Portail, poussant Emmanuel devant lui. « Monsieur Narbanton. » Emmanuel s'inclina. Lorsqu'il releva la tête, M. Portail n'était plus près de lui. À grands pas, il se dirigeait vers la porte par laquelle ils étaient entrés. Cette porte s'ouvrit devant le vieux savant. Et aussitôt qu'il fut passé, elle se referma vivement, sans qu'il fût possible de voir la main qui la manœuvrait. Stupéfait, Emmanuel se tourna vers le docteur Bergeresse. « Que signifie tout cela ? » s'écria-t-il. « Je vais vous l'expliquer, monsieur, si vous voulez bien m'écouter avec calme. »« Du calme, c'est donc vrai, c'est donc une tromperie. »« Une précaution, dans votre intérêt. » Sans répondre, Emmanuel courut à la porte par laquelle le savant était sorti. Mais elle était fermée en dehors, il ne put pas l'ouvrir. « Charlotte » cria-t-il. « Charlotte !» Personne ne répondit. Il regarda autour de lui. Une porte à 2 vantaux faisait vis-à-vis à celle qui lui barrait le passage. D'un bond, il y courut, et vivement il l'ouvrit. Mais il recula aussitôt de 3 ou 4 pas. Devant lui, il avait vu 2 domestiques, taillés en Hercule, qui lui barraient le passage. Tournant sur lui-même, comme une bête qui ne trouve pas d'issue dans la cage où elle s'est laissée prendre, il revint devant le docteur Bergeresse. « Veuillez m'écouter, » dit celui-ci. Mais sans répondre, Emmanuel se prit la tête dans ses 2 mains et la comprimant avec force. « C'est donc vrai ? » s'écria-t-il. Alors, d'une voix douce, le docteur Bergeresse se mit à lui expliquer que les docteurs Louville et Patras avaient décidé que le seul moyen de guérir les hallucinations qui le tourmentaient était de le placer pendant un certain temps dans l'isolement, que cet isolement et tous les soins que son état exigeait, il les trouverait dans l'établissement que lui, Bergerès, dirigeait depuis 3 années avec un succès sans cesse croissant. Que si on avait employé un moyen détourné pour l'amener dans cet établissement, c'était pour éviter une crise et une séparation douloureuse pour tous. Emmanuel écoutait-il ces paroles ? Il restait comme hébété. À ce mot seulement, il montra qu'il avait compris le discours du médecin. « Ah, Charlotte ! » s'écria-t-il d'une voix brisée. Puis, se levant aussitôt d'un bond, « Je veux sortir d'ici !» s'écria-t-il avec force. « On ne sort d'ici que guéri, » dit gravement le docteur Bergerès. « Et si vous vous laissez emporter par la violence, vous reculerez d'autant votre guérison. Je vous ai fait préparer un pavillon séparé, où vous serez chez vous, sans contact, avec mes autres malades. « Des fous !» s'écria Emmanuel. Et avant que le docteur Bergerès eût pu le retenir, il courut vers la porte par laquelle il avait déjà voulu sortir. Les deux domestiques étaient toujours à leur porte. Tête baissée, il s'élança en avant pour passer entre eux, mais ils ne reculèrent point, et leurs 4 mains, s'abaissant en même temps, le retinrent, malgré les efforts qu'il fit pour se débarrasser de leur étreinte. « Du calme, » disait le docteur Bergerès, « de la douceur, mes enfants. » Fin de la section 51.